Le président Kim Il-sung a organisé et commandé le 4 juin de l'an 26 du 1937 la bataille de Pochonbon pour assonner un coup sévère aux agresseurs japonais et donner l'espoir de la libération de la patrie au peuple coréen. La grande victoire dans la bataille a été un événement remarquable pour inspirer de l'espoir en la résurrection de la nation coréenne et de la conviction pour l'indépendance nationale avec les propres forces nationales et appeler toute la nation à la résistance anti-japonaise. Le flambeau de Pochonbo a vite gagné tout le pays, appelant tous les Coréens à la résistance. Et la lutte armée anti-japonaise a été élargie rapidement à l'intérieur de la Corée en donnant naissance à 26 bases secrètes et une soixantaine de bases secrètes provisoires et plus de 120 organisations de résistance armée, ce qui a permis d'aboutir à la libération de la patrie, œuvre historique, avec les puissantes forces révolutionnaires de la nation.